Pour oublier le passé et le futur, voici le Pop Club de José Arthur. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici José Arthur. Allonge-toi dans la fourrure, écoute le Pop Club de José Arthur. L'azur, l'azur, l'azur, l'azur, voici le Pop Club de José Arthur.